C'était un jour, t'es grand bonheur de t'es contré. La voix nous venait, mais ça fait l'amour. Oh bébé, l'envenir mais sans faire exprès. C'est qu'on explosion, partie que fille en moi. La vie, pour moi j'en dis pas qu'à compter. Demain, peut-être, peut-être, c'est en oubli. L'air point chez moi et puis parti pour un grand voyage sans lendemain. Gardez que j'ai l'amour.